un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures, un été d'écrivain. Toute cette semaine, Sébastien Le Foll s'entretient avec Jean d'Ormesson, une émission enregistrée en 2014. Voix nue. Toute cette semaine, Sébastien Le Foll rencontre Jean d'Ormesson. Ce soir, les saveurs du palais. Bon lecteur de ces livres, je ne cacherai pas que je prête davantage attention à ces gammes littéraires qu'à ces exercices politiques, et qu'au bretteur à la fois rageur et lassé, je préfère le vagabond à l'ombrelle trouée qui promène son vague à l'âme. Ainsi François Mitterrand parlait de notre invité de cette semaine, l'écrivain Jean d'Ormesson. Jean Ça d'Ormesson. M'intéresse beaucoup, parce que souvent je dis « Mitterrand m'a eu en flattant » et en disant « c'est dommage qu'il soit si bête politiquement, c'est un si bon écrivain ». Je disais « est-ce que j'ai inventé ça ? Où est-ce que vous avez trouvé ça ?» Il était alors, François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste. Et en effet, ben je me rappelle ça, et je me rappelle que je crois que je lui avais écrit à ce moment-là, je lui avais écrit pour le remercier, et je me suis évidemment lié avec François Mitterrand. Alors après votre famille, hein, Jean d'Ormesson, la littérature, les femmes, nous allons parler aujourd'hui de votre autre grande passion, la politique, et notamment votre relation avec les présidents, nos présidents. D'ailleurs, dans un film de Christian Vincent, Les Saveurs du Palais, on vous voit jouer un président de la République. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit ? Un jour, vous êtes dit, je vais être un jour président de la République française ? Alors, d'abord, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de faire du cinéma, et encore moins à la présidence de la République ou à être ministre. Je n'aime pas la politique. La politique ne m'intéresse pas beaucoup. Et je n'ai jamais envisagé une vie politique, quelle qu'elle soit. Ce qui m'a passionné, c'est l'observation de la politique. Je ne voudrais pas me vanter, je sais la distance qu'il y a entre lui et moi, une distance abyssale, mais l'observateur engagé qui était Aron, ça me faisait envie. Je me disais, voilà ce qu'il faut faire. Il faut être un commentateur aussi capable que possible de la vie politique. Je me suis d'ailleurs, vous savez, tout de suite, je le dis tout de suite, énormément trompé. Notamment, par exemple, bon, je peux donner des exemples, deux exemples très rapides. Le premier, quand Mao est mort, je ne sais plus si j'étais encore ou déjà plus directeur du Figaro, mais en tout cas j'écrivais des éditoriaux, et j'ai fait un article sur Mao qui était presque exclusivement un éloge, ce qui est quand même très exagéré. Et autre exemple, quand Khomeini est mort, j'ai prophétisé la chute du régime des Mollahs en Iran. Or, Khomeini est mort et le régime des Mollahs a prospéré sans interruption depuis lors. Donc, je me suis beaucoup trompé. Je peux encore vous donner un troisième exemple qui est bien intéressant. Quand j'ai été nommé élu, parce que à cette époque-là, le directeur du Figaro était élu, j'avais été naturellement voir Aron. Et je lui avais dit, si vous êtes candidat à la direction du Figaro, je m'efface immédiatement. Mais Aron, on n'était pas fous. Hein. Il savait très bien que la direction du Figaro, c'était un métier difficile. J'étais d'ailleurs directeur général, je n'étais pas directeur de la rédaction. J'avais tous les rapports avec les publicitaires, j'avais tous les rapports avec les journalistes, avec les syndicats, avec les typos. Je m'entendais très bien avec les typos. Donc vous n'avez pas besoin d'être ministre en étant directeur du Figaro. Oui, c'est vrai. Vous savez, d'abord, disons les choses, je n'ai pas été un grand directeur du Figaro. Je n'ai pas été un grand directeur. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je n'ai pas amené le Figaro à sa perte. Je n'ai pas amené à sa perte. Je l'ai défendu comme je pouvais. Et donc, Aron ne voulait pas être directeur du Figaro. Il savait que c'était très difficile, que ça prenait beaucoup de temps. Il avait à écrire des livres. Et donc, il m'a dit non, non. Mais probablement, ça l'agaçait un peu que je le sois, ce que je peux comprendre très bien. Et dans ses mémoires, il est très gentil avec moi, mais il me traite évidemment comme une quantité un peu négligeable, ce que je comprends très bien. Et il avait fait sa campagne auprès des journalistes du Figaro avec trois arguments, pardonnez-moi. Le premier, c'est il est très intelligent, votez pour lui. Le deuxième, il est d'une ignorance encyclopédique. Je me rappelle sa formule. Et il avait raison, il trouvait que je ne savais rien. Il savait tout, lui, Aron, il savait tout. Il est d'une ignorance encyclopédique, c'est pas grave. Et surtout, il a des convictions politiques très fermes, mais un peu floues. C'est très commode, votez pour lui. Et en effet, je n'avais pas des convictions politiques très marquées. Vous pensez que la vérité a toujours un pied dans le camp d'en face ? C'est-à-dire que j'ai en effet une caractéristique. J'ai en effet une caractéristique, c'est que j'ai un faible pour mes adversaires. Frédéric Mitterrand est un peu comme ça. Il était un peu comme ça, Frédéric Mitterrand. Dans son journal, on voit ça. Et donc, voilà. Je ne pouvais pas faire de politique. Dès que je discute avec quelqu'un, je trouve que ses arguments valent bien les miens. C'est impossible de faire la politique. En politique, il faut croire que vous avez raison et que les autres ont tort. Et j'ai eu de très bonnes relations avec beaucoup de communistes. J'ai eu des relations vraiment d'amitié, peut-être même d'affection, avec Roland Leroy, qui était le directeur de l'Humanité, avec Andrieux, qui était un personnage redoutable. Et quand Aragon est mort, j'ai fait un article sur Aragon, il venait de mourir, où il n'y avait aucune réserve, et j'ai reçu un mot du comité central. Je ne sais pas si je l'ai gardé. Il n'y avait rien. Il y avait juste « Nous n'oublierons pas ». Eh bien, vous savez, ils n'ont jamais oublié les communistes. Et quand je suis arrivé au Figaro, c'était le 1er janvier 1974. Et tous mes amis au Figaro m'ont dit « Tu ne bouges pas, tu ne fais rien, tu restes tranquille pendant 6 mois. Tout ce que tu fais, tu négocies avec les journalistes. Tu négocies avec le groupe des cinq. » Le groupe des cinq, c'était les représentants de Pierre Brisson qui avaient le droit moral sur le Figaro. Et tu t'occupes des publicitaires. Ce qui fait qu'en 3 mois, j'ai grossi de 8 kilos. Parce que je faisais des déjeuners, des dîners sans fin avec les publicitaires. Et puis, le 2 avril 1974, qu'est-ce qui se passe le 2 avril 1974 ? Pompidou meurt. Et le journal me dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il y avait deux candidats, c'était Giscard d'Estaing et Chaban-Delmas. Et il fallait choisir entre les deux. Si j'étais quelque chose, j'étais plutôt gaulliste. Donc j'étais plutôt porté vers Chaban-Delmas. Et en même temps, j'étais lié depuis toujours, depuis longtemps, avec Giscard d'Estaing, parce que, bon, il y avait un groupe comme ça, il y avait Simon Nora, Servan Chabert, Giscard d'Estaing et moi, et quelques autres, qui se voyaient de temps en temps. Et évidemment, ils me considéraient un peu comme un amateur, ce que j'étais à côté d'eux. Et vraiment, j'ai énormément hésité sur ce qu'il fallait faire. Et puis, il y a eu, ceux qui ont connu cette période s'en souviennent sûrement, il y a eu une célèbre émission de télévision où Chaban-Delmas avait invité Malraux. Et Malraux, je ne crois pas qu'il buvait, mais je pense qu'il prenait des drogues. Et Malraux a été catastrophique, mais catastrophique. Moi qui avais beaucoup d'admiration pour lui. Et du jour au lendemain, il a perdu 10 points. Du jour au lendemain. Et je me suis dit, si on veut gagner, il faut soutenir Giscard. Et donc j'ai soutenu Giscard. Et à ce moment-là, j'ai évidemment été emporté dans le flot de la politique comme un ministre. De quel président avez-vous été le plus proche ? Écoutez, j'ai été proche de plusieurs présidents. Pourquoi ? J'ai été proche de Pompidou. D'abord parce qu'il était normalien. Ensuite, Pompidou, qui avait une passion pour sa femme, aimait beaucoup les jolies femmes. Et il était très admiratif d'une amie de ma femme qui s'appelle Victoire de Montesquieu, qui était extraordinairement belle. Et il invitait souvent ma femme et Victoire. Et Pompidou, invitant ma femme, m'invitait aussi, d'autant plus que j'étais normalien. Donc j'ai été lié avec Pompidou. Et j'étais lié, comme je vous l'ai dit, depuis nos jeunes années, avec Giscard. Et j'ai fait la campagne de Giscard, donc. Mais quand Giscard a été élu, évidemment, je comprends très bien pourquoi. Il a plutôt invité Glucksmann, Finkielkraut, qui était à l'époque très à gauche, Finkielkraut, Lanzmann, Bernard-Henri Lévy. Et je crois que j'ai été une seule fois à l'Élysée. Alors la relation la plus étonnante, c'est celle qui vous lie à Mitterrand. Alors, car vous êtes effectivement la dernière personne qu'il reçoit à l'Élysée avant de quitter l'Élysée. Ce n'est pas tout à fait par hasard. Comme vous avez cité ces mots de Mitterrand, je lui avais écrit un mot pour le remercier et il m'avait dit « Venez à l'Élysée me voir ». J'avais été le voir et j'ai été le voir plusieurs fois. Je n'étais pas intime, mais j'ai été le voir plusieurs fois. Et je dois vous dire tout de suite que la conversation avec Mitterrand, c'était évidemment une merveille. C'est pas qu'il fût tellement un grand écrivain, ses livres sont pas, mais il aimait la littérature et il avait un charme inexprimable et c'était délicieux de parler avec lui. Et donc il m'a invité plusieurs fois, il m'a invité un grand nombre de fois quand il remettait des décorations. Je me rappelle par exemple, Mitterrand remettait la décoration à la Légion d'honneur à Borges. Il se trouve que j'étais lié avec Borges par l'UNESCO, et donc j'étais invité, et j'avais été assez ébloui par le discours de Mitterrand. Et tous les discours de Mitterrand de remise de Légion d'honneur étaient épatants. Et un jour, ici, c'était un jour de mai 95, le téléphone sonne, et je décroche, et j'entends ici François Mitterrand. Et je me dis, oh, ça doit être Jean Dutour qui me fait une blague, ou peut-être Edernallier qui me fait une blague. Et je dis, allez, qui est-ce ? Il dit, mais c'est François Mitterrand, je reconnais sa voix. Et il me dit, je voudrais vous voir. Je lui dis, monsieur le président de la République, je suis à votre disposition, quand vous voulez, où vous voulez. Il me dit, nous sommes lundi, est-ce que vous viendriez, je crois me rappeler, je ne peux me tromper, est-ce que vous viendriez mercredi ? Et je réponds, moi, ça me va très bien, mais vous, ça ne vous va pas, parce que vous passez vos pouvoirs à Chirac ce jour de mai 95. Et Mitterrand me répond, je passe mes pouvoirs à Chirac à 11h. Si vous veniez à 9h à l'Élysée, nous aurions 2 heures devant nous. Je me pointe à l'Élysée, il y avait une petite foule, quelques-uns me reconnaissent et disent « Ah, vous venez pour Chirac ?» Et je réponds « Non, je viens pour Mitterrand. » Et je suis introduit chez Mitterrand, qui avait déjà une mine terrible, cette mine de scie, hein, vous savez. Je lui demande des nouvelles de sa santé, il me dit qu'il souffre beaucoup. Et pendant 2 heures, nous avons parlé. Nous avons parlé très peu de politique. Un peu. Il m'a flingué les gens de droite et il m'a flingué les gens de gauche. Il n'était plus très bien avec les socialistes, vous savez, à cette époque-là. Il y avait l'affaire Bousquet. Vous vous rappelez l'affaire Bousquet ? Bousquet était un collaborateur qui était un ami de Mitterrand. Et Mitterrand l'avait soutenu presque d'un bout à l'autre. Et il était attaqué très violemment par la gauche. Et il m'a dit beaucoup de mal de la droite, beaucoup de mal de la gauche, y compris de ses collaborateurs les plus intimes. Et la conversation est venue sur l'affaire Bousquet, naturellement. Et il m'a dit cette formule que j'ai eu tort de répéter. Je n'ai rien répété. J'avais considéré qu'il ne m'avait pas fait venir comme un journaliste, mais je ne dirais pas comme un ami, mais comme quelqu'un à qui il voulait se confier. Il parlait beaucoup de la mort. Est-ce qu'il y a une autre vie ? Je n'étais pas le seul à le voir. Il voyait beaucoup Jean Guiton, qui était un philosophe catholique, ami bizarrement d'Althusser. Et la mort l'agitait beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre vie ? Madame, la dame qui s'occupait de lui... Marie de Wenzel. Voilà, a donné des témoignages là-dessus que je confirme absolument. Hein. Il m'a beaucoup parlé de la mort, beaucoup plus que de politique. Et je considérais que ce n'était pas une interview. Je n'avais pas demandé une interview, je considérais que c'était quelqu'un qui me parlait comme un ami, donc je n'allais pas répéter. En plus, si j'avais été à la radio et raconté ça, ça aurait fait un sprunz terrible. Et alors il y a des gens qui m'ont dit, surtout des amis de gauche, qui m'ont dit « tu ne comprends jamais rien, naturellement il t'avait fait venir pour que tu répètes tout ça ». Et vous répétez cette phrase. Et j'ai répété. Dans le rapport Gabriel, un an plus tard, hein, dans voilà, un livre. Dans le rapport Gabriel, un an plus tard, je ne résiste pas. Il m'avait dit, à propos de l'affaire Bousquet, vous avez reconnu là, monsieur d'Ormesson, l'influence puissante et nocive du lobby juif en France. Et je lui avais dit, monsieur le président, je crois entendre ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle. Comment vous expliquez-vous, Jean d'Ormesson, rétrospectivement, cette invitation ? Le premier président socialiste de la République qui confie à l'écrivain de la droite, malgré tout, oui, le soin de narrer ses dernières heures à la tête de l'État. C'est incroyable. Je vais vous dire, je ne me l'explique pas. Il voulait renouer avec sa jeunesse de droite ? Il y a eu une jeunesse. Sortir à droite alors qu'il était entré à gauche, par la gauche ? Écoutez, je pense qu'il voulait... Je pense que c'est quand même ça. Je pense que c'est ça. Remarquez, Hollande, François Hollande, aujourd'hui, de nos jours, dit sans cesse, il le dit, il ne le fait pas toujours, il dit « je ne suis plus socialiste, je suis le président de tous les Français ». Eh bien, je pense qu'il voulait sortir Mitterrand comme président de tous les Français. Et quoi faire de mieux que de s'adresser à un type qui n'était pas socialiste, ouvertement. Et qu'il soit tombé sur moi, c'est évidemment pour moi un grand honneur, un grand plaisir aussi de le voir, et une grande émotion, parce que je lui ai dit « Est-ce que vous souffrez ?» Il m'a dit « Oui, je souffre beaucoup. » Et je lui ai dit ce que je pensais... que j'admirais son courage. Il a eu un courage formidable, comme Pompidou, c'est extraordinaire. Et évidemment, je me rappelle qu'il y avait de temps en temps, la porte s'ouvrait. Vous vous rappelez qu'il y avait un médecin qui s'appelait Tarot, qui était très proche du président à cause de son état de santé, et qui passait la tête par la porte 2 fois, 3 fois. La première fois, il a dit « Monsieur le Président, il n'y a plus qu'une demi-heure ». Il l'avait renvoyé. La deuxième fois, il n'y a plus qu'un quart d'heure. Et puis, il est arrivé en disant « Monsieur le Président, j'ai eu un coup de téléphone. Monsieur Chirac est en route vers l'Élysée. Il arrive dans 5 minutes. » Et Mitterrand lui a répondu « Vous me prévenez quand il sera là, je parle avec M. d'Ormesson jusqu'à ce que Chirac arrive. Et il m'a quitté, il a même dit à Tarot, je suis déjà en bleu, je n'ai même pas à me changer, vous me prévenez quand il est là. Il m'a quitté pour passer ses pouvoirs à Chirac. Alors, comment expliquez-vous ce besoin de tous les présidents, sans exception, gauche et droite, de vous recevoir à l'Élysée ? Est-ce qu'il y a besoin d'obtenir votre bénédiction, littéraire et républicaine ? Alors, je vais vous dire. Quand Sarkozy a été élu président de la République, il m'a invité à son intronisation. Et ce qui m'a le plus plu, c'est l'huissier de l'Élysée qui m'a dit avec une gentillesse ironique, « Ah, monsieur d'Ormesson, heureux de vous revoir heureux de vous revoir !» Et évidemment, j'étais bien avec Giscard, que je voyais très peu, très bien avec Pompidou, assez bien avec Chirac, et c'est lui qui m'a fait grand officier de la Légion d'honneur. Mais avec votre popularité, là, aucun d'entre eux n'a songé à faire de vous un ministre de la Culture Si. Alors écoutez, c'est comme... Pardonnez-moi. Borges disait toujours, j'ai été candidat éternel au Nobel et je ne l'aurai jamais. Le bruit a couru sans cesse que j'allais devenir ministre de la Culture, à plusieurs reprises. Et on ne m'a jamais rien proposé. Jamais, vraiment. Non, on m'a pas. Si, je vais vous dire, si on me l'avait proposé, j'ai un caractère quand même assez faible, vous savez, j'aurais probablement accepté, ça aurait été un désastre. Je ne connais pas suffisamment la culture. Je connais un peu la littérature, un peu. À peine le théâtre. Maintenant, je suis entré dans le monde du théâtre et je m'en réjouis beaucoup. Mais à l'époque, vraiment, je connaissais mal le théâtre, je connaissais très mal la danse, je connaissais très mal la musique. J'aurais été un ministre de la culture détestable. Mais on ne me l'a jamais proposé, mais que la rumeur ait couru, oui, bien sûr. Est-ce que ça vous a coûté d'être de droite ? C'est une bonne question. Vous savez, j'ai pensé quelquefois à mon père. Je me suis dit, mon père, dont je vous ai parlé déjà, qui était donc ambassadeur du Front Populaire, était violemment anti-pétiniste. Il n'était pas ardemment gaulliste. Il n'était pas ardemment gaulliste pour les raisons de gauche. Il trouvait que c'était un militaire et il se méfiait des militaires. C'est un général à la tête de la République. Ah non. Il n'était pas gaulliste. Et je me dis quelquefois, mon père aurait probablement détesté que je sois au Figaro à l'époque d'Hersant. Je m'en veux d'ailleurs un peu, parce que mes relations avec Hersant étaient courtoises, mais pas chaleureuses. Parce que, bon, vous savez ce qu'on lui reprochait, il n'avait pas été résistant hein, pendant la guerre, on peut dire ça, il n'avait pas été résistant. On peut le dire, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était un homme assez sympathique, vous savez, c'était un cynique, on pourrait presque dire que c'était un fanfaron du vice. Il se donnait comme pire qu'il n'était. Hersant, c'était un peu à l'époque... comme Le Pen, hélas, pas aujourd'hui, comme Le Pen hier. Et on me disait, comment est-ce que tu peux travailler avec Hersant ? Et je fanfaronnais un peu, je disais, oh, bon, quoi ? Et puis intérieurement, je disais, mon père n'aurait pas aimé ça. Mon père n'aurait pas aimé. On vous présente, Jean d'Ormesson, comme le champion de la droite libérale, orléaniste. La droite nationaliste, c'est pas votre tasse de thé, ça. Oui, en effet, Vous savez, quand j'écris des articles, je reçois beaucoup de lettres. Et quand on écrit un article, vous avez 50% d'approbation et 50% de désapprobation. Quand vous écrivez un livre, vous avez à peu près 100% d'approbation. De temps en temps, il y en a un qui dit « votre livre est à chier », mais c'est très très rare. C'est très rare. On ne prend pas la peine d'écrire si on n'aime pas le livre. Tandis que les articles, ça soulève des passions. Et parmi la moitié qui désapprouve, je dirais qu'il y a une moitié de gauche, grosse moitié de gauche et une petite moitié de gens d'extrême droite. Encore que j'ai toujours défendu l'idée, je ne suis pas suspect d'être partisan du Front National. L'idée de sortir de l'Europe, l'idée de renoncer à l'euro, l'idée de fermer les frontières, l'idée de renvoyer les étrangers, ça me paraît une folie sans nom. Une folie sans nom. Mais l'idée de diaboliser le Front National, ça me paraît inacceptable. Nous ne diabolisons pas l'extrême gauche, il n'y a pas de raison de diaboliser l'extrême droite. Et les socialistes ont été très contents d'avoir l'appui de l'extrême gauche, de Besancenot, de Mélenchon, encore plus à gauche. Ils ont accepté ces voix et ils poussent des hurlements dès qu'on dit, non pas qu'on adapte les vues du FN, mais qu'on essaye de comprendre les gens du FN et de les faire changer d'avis, de les faire renoncer au Front National et de les amener dans une droite humaniste. La campagne très à droite de Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle, la dernière élection présidentielle, ça ne vous a pas choqué, ça ne vous a pas dérangé ? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. La politique consiste à gagner. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, la France a basculé à droite. Il y a une droitisation du pays. Elle est éclatante en ce moment. Et Sarkozy n'a pas fait une mauvaise campagne. La preuve, c'est qu'il était quand même très bas et qu'il est remonté à 1,5 point. Il a perdu, donc c'est que c'était pas bien. Le discours de Grenoble lui a quand même fait perdre des voix du centre. Et ces voix du centre étaient indispensables, nécessaires, indispensables. Mais c'est vrai que reprendre des voix au Front National en soutenant quelques-uns de leurs thèmes, à la façon d'un homme de gauche comme Finkielkraut aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui s'appelle la nation. Il y a une espèce de désespoir des Français qui ont l'impression de ne plus être chez eux, et on peut comprendre les sentiments du FN. Je crois même que Fabius a dit, il pose les bonnes questions et il donne les mauvaises réponses. C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Sébastien Le Foll rencontre Jean d'Ormesson. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Benjamin Thuot, réalisation Anne de Pelchin, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Demain, suite de cette rencontre de Sébastien Le Foll avec Jean d'Ormesson. Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture. Nous vous proposons d'entendre en nouvelle diffusion une traversée de l'œuvre de Jean d'Ormesson, lue par Philippe Morier-Genoux dans un feuilleton réalisé par Baptiste Guiton. Pages arrachées à Jean d'Ormesson avec Philippe Morier-Genoux. Choix des textes, Sylvie Balule. Quatrième partie, Amour. J'étais alors un garçon ni outrageusement bête, ni prodigieusement intelligent, ni beau, ni laid, ni bon, ni méchant. J'attendais tout de la vie, sans vouloir trop la brusquer, et je partageais à peu près également mon temps entre le sommeil, le plaisir et le travail. C'était le champeau le soir, les moleskines rouges des cafés, les nuits passées sur les notes prises à notre place par un abruti zélé, les croissants le matin, le printemps le long de la Seine et les noyaux des cerises crachés des parapets où nous étions assis. Je ne songeais beaucoup ni à la mort, ni à Dieu, ni au sens de ma vie et je prenais comme il venait les jours d'une existence qui ne me paraissait point entamée. J'attendais. J'étais plutôt gai et assez insolent, avec quelques sautes d'humeur. Et je m'amusais des femmes, sans chercher à les retenir. Je me rendais 3 fois par semaine à la Sorbonne, où je bâillais beaucoup. Je ne me souvenais plus de Poitiers que j'avais quitté sans retour. J'avais 2 ou 3 amis, 20aine de camarades, des maîtresses quand je voulais, un restaurant attitré, peu d'expérience, mais un formidable appétit de vivre et beaucoup d'illusions. Et la première fois que je vis Béatrice, c'était, je crois, un soir qu'il pleuvait à torrents. J'étais allé au théâtre avec une amie qui s'appelait Hélène et j'attendais les entr'actes pour pouvoir l'embrasser. À l'agrément des baisers se joignaient ainsi les plaisirs du silence. Les opinions émises entre le vestiaire et les Esquimaux sur Édipe et sur l'âme slave m'ont toujours paru haïssables. Et une des bonnes façons de se taire est encore de s'embrasser. Nous venions de nous taire quand passa Béatrice, que mon ami connaissait. Je me souviens mal de ce que j'en pensais. Je crois que je n'en pensais rien. Elle me parut un peu triste, peut-être châtain, et assez jolie, puis je l'oubliai. 4 jours plus tard, c'était l'été, et puis les vacances, il faisait déjà très chaud, je partis pour l'Italie, dont m'avait parlé Stendhal. Le soleil, l'été, l'Italie, bientôt l'amour. Oui, j'ai un faible pour le banal. J'avais une vie un peu vide, peu de liens avec mon pays, ma famille, ma classe sociale, mes camarades et mes maîtres. La gare de Rome me parut admirable. Elle était toute blanche et gaie, faite pour les arrivées plutôt que pour les départs. Des amis m'attendaient. En débouchant sur la place, j'eus de nouveau cette sensation de bonheur que s'est donnée l'Italie. Rome éclatait de soleil. En sortant du train, de la gare, je me promis d'être heureux. Je ne vis que Françoise parmi les amis qui étaient venus me chercher. C'était une jeune femme fort belle qui avait été ma maîtresse. Je ne savais pas très bien si elle l'était encore. J'éprouvais pour elle beaucoup de tendresse. J'ignorais qu'elle fût à Rome. Je me réjouis beaucoup de la revoir et je me dis aussitôt que le soleil d'Italie allait briller sur nos amours ressuscités. Le lendemain, Je donnai à Françoise un coup de téléphone plein de prudence et de gourmandise. Plus que ses mots, l'accent de sa voix, son rire, me donnèrent bon espoir. Françoise me donna rendez-vous à midi à la fontaine de Trévis. Elle me dit que c'était un des centres de ce folklore du tourisme qui naît sous les pas des agences de voyage pour américaines désœuvrées. Je pris un bain, me rasai, consultai le plan de Rome pendant un bon quart d'heure en le mettant à l'envers pour que le nord ne fût pas en bas, et sortis la tête haute, le sang frais, les idées claires, comme il convient dans une ville où l'on n'a pas encore d'ennemis à ne pas saluer, ni d'amis pour vous surveiller. Je marchais assez longtemps avant de parvenir devant cette eau crachée de toutes parts par des pierres et des chevaux, lardée de menues monnaies et dont il était dit dans un de mes livres saints, que je ne quittais guère depuis 2 mois, il se ferait dans Rome comme un grand silence si la fontaine de Trévis cessait de couler. Françoise m'attendait. Elle était debout contre la fontaine. Quand elle me vit, elle sourit et s'avança vers moi. Je lui dis qu'elle était belle et que j'étais heureux de la voir et que Rome me plaisait. Nous avions le désir, nous avions l'amour discret, nous connaissions le prix que donnent aux ardeurs cachées les longs détours et la patience du cœur. Françoise était savante. Elle m'avait beaucoup appris. Elle m'avait enseigné qu'il y avait un art de vivre, de faire l'amour, de respirer, qu'il fallait savoir attendre et que le prix des choses était fixé par nous. Je lui devais l'aisance qui recouvrait chez moi des battements de cœur ridicules que j'étouffais de mon mieux. La première fois que j'avais voulu l'embrasser, c'était dans un taxi rouge, très vétuste, presque carré. J'attendais des transports ou une gifle. J'eus droit à des rites un peu slaves, des signes cabalistiques, de longues en noir enlevées lentement, des doigts en gris sur ma bouche, des lèvres chaudes. Je lui demandai ce qu'elle faisait à Rome. La même chose qu'à Paris. Alors pourquoi Rome? Parce qu'il faut changer d'air. L'air, pour Françoise, c'était les hommes. Ce goût chez elle des hommes et de leur succession m'amusait et m'irritait. La consommation qu'elle faisait des êtres était proprement incroyable. C'était presque un peu triste, je le lui dis. « Que tu es bête !» me dit-elle en riant. Je crus démêler dans sa voix un accent de triomphe, de la tendresse, un peu de cruauté gaie et des promesses. « Françoise ?» dis-je à mi-voix. Ces garçons que nous avons vus hier. Oui, dit Françoise. Elle s'était soulevée un peu, écartée de moi pour me regarder mieux. Mon Dieu, comme elle devait s'amuser. Elle savait déjà ce qui me tourmentait. Sa vie, c'était ça. Son plaisir à elle et les questions des autres. Lequel est ton amant? Merveilleuse Françoise, elle se mit à rire. Je ne sais plus du tout jusqu'à quel point j'étais amoureux de Françoise. J'étais un garçon léger, insouciant, plaisant souvent, je crois. Je n'étais pas plus bête qu'un autre. Mais les choses s'organisent dans ma tête d'une manière bizarre, irritante, presque un peu folle. Durant 8 ou 10 jours, nous ressuscitâmes cet amour. Un soir sur 2, ou sur 3, Françoise disparaissait. Je ne lui posais pas de questions. Elle était toujours douce, amère, plaisante et un peu cruelle. Une ou deux fois, dans un café ou dans un restaurant, des hommes la saluèrent. Je ne doutais pas qu'elle n'eût des amants. Je me demande si je m'en irritais maintenant qu'elle était de nouveau à moi. Un soir, elle me proposa de déjeuner le lendemain avec ces 3 jeunes Italiens qui étaient venus avec elle me chercher à la gare et qui m'avaient si fort troublé devant Saint-Pierre du Vatican. si ça t'ennuie, me dit-elle. Non, ça ne m'ennuyait pas, ça m'amusait plutôt. Françoise avait pris pour poser sa question ce ton doux et cruel, à la fois faussement timide et amusé, qui provoquait en moi un mélange de curiosité, de tendresse et d'irritation, et qui m'attachait à elle. Le déjeuner fut fort bon et très gai. Les fameux trois Italiens me parurent très sympathiques. Je vis presque à regret que Françoise, décidément, n'en traitait aucun avec des attentions marquées. Je m'estimais un peu floué, frustré de sensations rares. Elle avait dû coucher avec au moins l'un d'eux, avec Ricardo sans doute, parce qu'il était le plus beau, mais je me dis que l'affaire n'avait probablement pas eu de suite. Nous avions presque fini de déjeuner quand j'entendis parler français à une table derrière nous. Je vis en me retournant une jeune personne assez jolie, vêtue d'une robe blanche et bleue. Je ne la reconnus pas tout de suite. Je fus obligé de rentrer en moi-même, de chercher à tâtons parmi les visages et les dates. Je trouvai enfin... C'était la jeune fille que j'avais rencontrée au théâtre à Paris avant mon départ pour Rome. Je croyais me souvenir qu'elle s'appelait Béatrice. L'endroit, non pas où naquit notre amour, car qui sait quand il naît, mais où Béatrice et moi nous nous découvrîmes l'un l'autre comme ces continents inconnus abordés un beau jour, c'est ce petit restaurant sur cette place de Rome, en face de cette église qui porte un si joli nom. De toutes les choses au monde qui sont admirables et belles, ces premières rencontres me paraissent les plus belles. L'instant où s'établissent entre deux corps et deux âmes, par des signaux dérisoires de détresse et d'espoir, le langage, le regard, une main serrée, un sourire, les liens fragiles et précieux qui deviendront si solides, éveillent toujours en moi toute la douleur, toute l'admiration du monde. Il me semble que ce qui se joue alors est le sens de la vie qu'il nous est donné, une fois pour toutes et un peu par hasard, de vivre sur cette terre. Je ne savais pas encore ce jour-là que j'allais aimer Béatrice. Roméo, dans la tragédie de Shakespeare, est très amoureux de Rosalinde lorsqu'il rencontre Juliette. Ce sont souvent des cœurs déjà occupés d'un autre être que l'amour frappe le plus fort. Ce qu'il y a d'effrayant avec l'amour, et de consolant aussi, c'est qu'on en peut dire n'importe quoi. C'est pour cette raison que les maximes sur l'amour semblent souvent si justes et si profondes. Tout est possible, tout est vrai, dès que l'on parle de ces bouleversements qui illuminent les cœurs. L'amour fidèle, c'est vrai, l'amour trompeur, c'est vrai, l'amour unique, c'est vrai, les cascades d'amour sont souvent vraies aussi. Lorsqu'un être aime un autre être, le monde est clos pour lui, c'est vrai. En tout cas, ce jour-là, quand je reconnus Béatrice, je sentis une espèce de bien-être, et vivre me parut facile. En quelques minutes, le vide se fit autour de nous. Nous restâmes seuls, Béatrice et moi, devant la fontaine, en face de l'église. À l'instant même où nous nous retrouvâmes seuls, je ne trouvais plus rien à lui dire. L'amitié, chacun le sait, naît des silences autant que des paroles. Je lui dis en souriant qu'il faudrait nous connaître mieux pour pouvoir nous parler. « Je veux bien vous connaître mieux, » me dit-elle, « mais je n'ai pas besoin de parler. » Elle s'était appuyée contre la fontaine. Elle le jouait d'une main avec l'eau. Je la trouvais ravissante. « Si vous vouliez, lui dis-je, elle voulait bien, nous passerions la soirée ensemble. Mais vos amis, tant pis pour les amis, je me disais que moi aussi, Françoise, allait peut-être m'attendre. Dans ce double abandon, il y avait déjà entre nous comme une complicité secrète et une promesse de bonheur. Nous quittâmes l'église. Béatrice posa sa main sur mon bras. « Où allons-nous ? » lui dis-je. « Où vous voulez ?» L'un des attraits des voyages est qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour éprouver le plaisir et l'excitation que ne nous procurent chez nous que les beaux livres, quelques films ou les conversations d'un petit nombre d'amis. Dans une ville comme Rome, surtout, nous n'avions pas à nous préoccuper des spectacles qui allaient s'offrir à nous. Il suffisait de marcher. Nous traversâmes la place, nous nous retournâmes pour jeter un dernier coup d'œil sur la fontaine et nous regagnâmes le Tibre. De l'autre côté du fleuve, nous nous perdîmes un peu dans de petites rues pleines de bruit. De quoi parlions-nous ? De tout, sans doute, et de rien. Elle me demanda qui était Françoise. Je répondis « Une amie ». Mais de ce ton faussement discret que savent prendre les hommes pour faire deux coups d'une pierre et atteindre deux buts qui flattent également leur vanité imbécile. D'un côté par leur sourire, par une hésitation savante, ils laissent entendre clairement que l'amie en question est en vérité leur maîtresse. De l'autre, par leur délicatesse exquise et feinte, ils se sentent dignes de toutes les estimes. Je dis donc une amie avec une satisfaction intérieure. Béatrice ne répondit pas. Nous marchâmes en silence, côte à côte, sans savoir où nous allions. « Prenons une voiture, lui dis-je. Nous sautâmes dans un fiacre qui passait. Ce fut Béatrice qui dit au cocher un nom que je ne compris pas. « Où allons-nous » demandai-je. « Un endroit que j'aime beaucoup, dit Béatrice. Vous verrez. » Je ne sus pas très bien quoi dire ni quoi faire dans le fiacre pendant le trajet. Je n'osais pas prendre Béatrice dans mes bras. Je n'avais pas envie de parler pour dire, par exemple, qu'on trouvait à Rome comme des stratifications géologiques de couches successives de civilisations. Je me tus. Béatrice aussi. Les fers du cheval frappaient la nuit. Nous traversâmes la place de Venise, longeâmes de nouveau le forum, passâmes devant le Colisée, qui paraissait plus énorme et plus inquiétant que sous les feux du jour. Nous gravîmes enfin une colline qui était, je crois, le Célius. Quand la pente devint trop raide, la voiture s'arrêta. Nous continuâmes à pied. Nous suivîmes ainsi une espèce de couloir étroit. Il y avait un jardin à notre gauche d'où montaient des odeurs chaudes et fortes. Nous débouchâmes sur une petite place qui portait une église sur son flanc droit. Une grille séparait la place en deux, coupait l'église du côté gauche de la place. Mais la grille était percée d'une porte et la porte était ouverte. « Elle est souvent ouverte la nuit, » me dit Béatrice. « Je suis venue déjà. » Devant l'église, il y avait un puits rond avec une triple margelle de pierre très large. Du puits sortait un cèdre. L'église était très simple, très belle. Elle était assez ancienne. Elle avait dû être à peine restaurée. Un clocher de briques roses s'élevait sur le côté et trois ou quatre marches descendaient de la place vers l'église. Nous nous assîmes sur la margelle du puits. « C'est San Giovanni a Porta Latina, » me dit Béatrice. La lune éclairait l'arbre, le puits, la place, Béatrice et l'église. Nous ne bougions pas, l'un à côté de l'autre. Nous ne parlions plus, nous nous taisions. Je prenais presque garde à ne pas toucher Béatrice. Soudain, elle frissonna. Je me penchai vers elle et je l'embrassai. Je sentis ses mains hésiter un instant. Puis elle essaya de m'écarter. Ses bras se tendaient contre mes épaules. Elle céda tout d'un coup et elle me serra contre elle. La vie d'un homme offre peu de choses et beaucoup de choses. Tout ce qui peut se passer sous le ciel tourne autour de quelques vices et de quelques appétits. d'un petit nombre d'ambitions, de sentiments et de rêves. Le pouvoir, l'argent, la poésie, la gloire. Je donne toujours tout pour un premier baiser. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'il ne s'agisse pas là d'un mythe. Des millions d'êtres ne s'embrassent pas, ne lient pas au baiser leur conception de l'amour. La littérature, le cinéma surtout, ont fait pour nous du baiser comme l'image visible de l'amour, le délicieux et déchirant symbole de la reddition des cœurs. Si le baiser est un mythe, je l'accepte d'une foi soumise. Je sentais sous mes lèvres les lèvres de Béatrice, je la sentais aussi s'attendrir et céder, je tenais dans mes bras, je serrais contre moi un consentement vivant et chaud. L'amour tout entier n'est peut-être qu'une imposture née de notre ennui et de nos grandes espérances. Tant de pièces, tant de romans, toutes les conversations du monde tournent autour de lui comme des mouches insatiables. Il a pu en surgir une passion artificielle et construite de toutes pièces. Mais si c'est un mal, le mal est fait. L'amour est désormais, avec l'argent et beaucoup plus que la puissance, la préoccupation majeure des hommes et des femmes des temps modernes. Leur santé, leur bonheur, leur place dans le monde, leurs rêves, leur opinion sur eux-mêmes, leur vie entière en dépend. Leur plaisir et leurs loisirs ne prennent de sens que par lui. Leur travail ne mène qu'à lui. Le cinéma, qui a sans doute contribué beaucoup à l'avènement de l'amour moderne, lui doit maintenant à son tour son existence et son pouvoir. Les esthètes peuvent toujours se pâmer sur les subtilités techniques. L'irrésistible ressort de la fascination du cinéma, c'est l'amour des vedettes. Dans le fond de ma tête, en embrassant Béatrice, je nourrissais moi-même des images romanesques. Je me voyais en train d'embrasser Béatrice sur une colline de Rome, dans la nuit déjà close, sous un arbre né d'un puits devant le campanile d'une vieille église. Et que m'importe maintenant ce qui naquit de cette nuit ? Des jours, des semaines, des mois entiers de ma vie sortent de ce baiser que je donnais un soir. Le malheur dans l'amour naît du hasard et de l'indifférence. J'aurais pu ne jamais rencontrer Béatrice. Cet après-midi-là encore, j'aurais pu la perdre sans désespoir. Maintenant s'établissaient entre nous les liens du souvenir, du silence et de l'abandon. Nous n'avions plus besoin de nous parler pour sentir entre nous cette très absurde entente surgir de deux bouches penchées l'une sur l'autre. Une fièvre me prenait. Je gardais dans mes bras Béatrice, immobile. Elle avait sa tête sur mon épaule. J'imaginais déjà des malheurs obscurs se préparer en silence. Mais quoi ? J'étais heureux. Des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes s'embrassaient ce soir-là dans les jardins de Rome. Le moindre des miracles du cœur n'est pas cette fraîcheur unique de chaque nouvel amour. Il me semblait, en embrassant Béatrice, conquérir tout seul le Saint-Sépulcre de Jérusalem, traverser les mers, découvrir des planètes. J'embrassais une jeune fille. Il n'y a rien de plus banal au monde. Un soir d'été, sur une colline de Rome, devant une vieille église, j'aurais embrassé Béatrice. Les empires pourraient s'écrouler, les siècles allaient passer, tout allait changer dans le monde. Jamais ce baiser ne serait aboli. Le pouvoir de l'homme est une chose admirable et qui ne connaît pas de limites. Il choisit tout à coup des gestes insignifiants qui s'inscrivent dans l'éternité. C'était « Pages arrachées » à Jean d'Ormesson avec Philippe Morier-Genoux. Choix des textes, Sylvie Balul. Quatrième partie, Amour. Extrait de « Un amour pour rien » paru aux éditions Gallimard.